Bonjour François, je commence avec l'épisode 1 de Tambouille sur le vaisseau phare. Oh, j'ai hâte. D'abord, on se moque de toi, France. Oh, bah ça. Oh, je suis en train d'éplucher les patates. Oh. Allez, je suis sûr que c'est pas si mauvais. Allez, je suis sûr que c'est pas si mauvais. Peut-être que je le fais trop maintenant. Parce que depuis que je me suis entraîné, hein, et du coup, je le joue comme ça à chaque fois. Mais tu me diras si c'est OK. Allez, je suis sûr que c'est pas si mauvais. Je suis sûr que c'est pas si mauvais. J'arrive pas à ronronner. Je crois que je suis pas un vrai chat. Ah, au secours. Ok, on verra s'il faut refaire ça. Là, la capitaine a dit quoi? La capitaine a dit quoi? La capitaine a dit quoi? Oh yeah! Il va conclure, s'il te plaît. Dis-moi qui va conclure. Oh yeah! Il va conclure, s'il te plaît. S'il te plaît, dis-moi qui va conclure. Pourquoi ça me fait bailler? Ça me fait... Je sais pas. Je crois que je suis pas assez hydraté. Faudrait que je boive entre les épisodes. Je suis alcoolique maintenant, ouais. Désolé. Oh, je suis complètement pété! Oh, si tu savais! Mon petit Franz. Et? Et alors? Et alors? Et alors? Qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il répond? Dis-le-moi, c'te mort! Dis-le-moi, c'te mort! Qu'est-ce qu'il répond? Oh, tu lui as vraiment dit ça? Oh, mon pauvre. Oh, mais c'est horrible. Oh, mais c'est horrible. Et Vlarg, c'est même pas un parfait de la Terre. Et en plus, l'idée, c'était pas de vous marier, hein, juste de faire un bisou de vacances. Mais c'est horrible! Et Vlarg, c'est même pas un parsec de la Terre, en plus. L'idée, c'était pas de vous marier, hein. C'est juste un petit bisou de vacances. Oh, mais c'est horrible! Et en plus, Vlarg, c'est même pas un... En plus, Vlarg, c'est même pas un parsec de la Terre. Puis l'idée, c'était pas de vous marier, hein. C'était juste de faire un petit bisou de vacances. Ah bah, à mon avis, elle t'en veut toujours. Ah bah, à mon avis, elle aussi, elle t'en veut toujours. Yep. Perfect. Désolé, je descends. Ah si si, je veux savoir un catfish. Oh la vache. Un catfish numérique. Pardon. Attends, oh là. Ah si si si, je veux savoir un catfish numérique. Désolé, je vais galérer. Un 4-6 numérique, j'adore! Un 4-6 numérique, mais j'adore! Apparemment, j'ai pas saturé la vache. Bon, tu me dis s'il y a des trucs à refaire, je vais t'envoyer celui-là, comme ça je saurai si je continue sur cette lancée-là pour les autres épisodes. Gros bisous. À très vite. C'est parti pour de l'ASMR maintenant. Oh non, j'avais dit stop. Désolé. Mais maintenant, toutes les fictions sont à ASMR. Un 4-6 numérique. Vador.